des pains, un voyou met un gros chômeur de cannabis. Si tu craches dans mon dos, fils de pute, ne fais pas la bise. Y'a les cassés qui veulent te faire et ceux qui t'ont l'omise. T'es déjà fait là, c'est pas mon gars, j'attends la remise. On sait bien qui on sait bien tes chants. Pourquoi tu géchants devant les gens? Bien sûr qu'un alerte, mais t'as un méchant. C'est réel, sois pas vexé. Moi, je y'a la ni NSIT. Don't all the bitches see kill him again. I never will go more go gang. Nenning a nigga you on make a fly. Dory blank, he make a tag and be gun. He got me saying it's a gala to bum. BBS, beg it up a lipa. Nigga, nina tea, I'm the toro feta. I'm the toro feta. Hey, you so weed, yo. Kana bali langa chelly, make a poly cadonch. And nina make a money trap, nigga, I own the door. I make a chicky pity, kinda for call, my door. One of the city, I go eliminate. My nigga, he getting a killing the mic. Bali me push it up, getting him, nele, get a kiss, nigga, you baby, got fly. Je suis soldat, on reconnaît les vrais soldats. On reconnaît les vrais, you vois. Est-ce que tu nous vois? La concu sont loin derrière nous. Mais dis-moi, est-ce que tu nous vois? Mais qu'est-ce que tu crois? Amigo, mais qu'est-ce que tu crois? Nous manquer de respect, t'as pas droit. On irait tout droit, mon frérot, on irait tout droit. Sur la route du succès, mon gars. Manège, c'est la vie. Dieu garde même c'est un bébé, oui. Un shit et Joe qui respecte un shit au down. Qui est des Jomo. Now killing it though. I'm a worried it go. He go Tony Montana, China. He go Tony Montana. Yo go shoot the sound. Nina nego me fella. Nigga, I never think of. He go Tony Montana. Yo go shoot the sound. Nina nego me fella. Nigga, I never think of. Sur le terre, je t'appelle comme Akelele. Dans le caleçon, j'ai les couilles à Sasuke. J'suis pas fort en maths, mais dans la vie, faut chiffrer. Ton regard est bizarre, tes yeux, j'vais arracher. Dans nos rues, c'est la jungle, ça vend des bâtonnets. J'suis un peu trop pressé, les radars m'ont flashé. Dans la maison, en décarcère, prends de la C. J'suis sur Jupiter et j'vois les étoiles passer. Le passé, c'est le passé, les quêtes veulent de passer. Mais la drogue est cachée, j'ai tout cellophané. Des fois, j'suis étonné, des fois, j'suis étonné. J'suis né pour prier, faut j'fais le tour ton quartier. Négro, négro, sur la ligne d'arrivée. Canon signé sur ta tête, tu vas crier. Pardonne-moi mon Dieu si des fois je déconne. Maman, maman, je te ferai quitter le quartier. C'est le travail qui paye, non y'a pas de secret. On veut la qualité, la quantité. On veut la qualité, la quantité. Ce qu'on a aujourd'hui, gros, c'est mérité. T'apprends pas de fiche, connais la vérité. Même ton propre quartier nous a validé. Besoin de partir, besoin de voyager. Juste histoire de changer mes acidés. Je deviens parano et je suis mal luné. Mal luné, des envies de meurtrier. Tu meurs hier, demain t'es oublié. Tu meurs hier, demain t'es oublié. Toi tu sais pas, t'en parles comme si tu savais. Moi je sais tout, c'est rien mais j'ai sauvegardé. Papa m'a dit, fils ton reste vrai. Même si tu vois pas, sache que Dieu dort jamais. C'est la vie, Dieu garde même c'est un bébé,